Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, il est 0h20, tout pile, c'est les débats de Gérard du jeudi, et vous êtes bien sur Fun Radio, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000, et c'est Manu et Fildar qui vous attendent au standard. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais, ben, salut Casimir et salut Quasimodo. Et donc, à l'arrière, sur le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct, c'est Rigaud. Bonsoir. Et sur l'internet www.funradio.fr, c'est Apolline exceptionnellement ce soir. Donc Apolline, si tu pouvais me dire combien on est pour l'instant. Mais on en a rien à foutre. Allez Gérard, fais ton débat. Tu vas pas me faire chier, merde. Bon bah alors dans ces cas-là, si tu veux pas faire du boulot correct, tu dégages, d'accord? Parce que moi je vais pas jouer comme ça toutes les semaines. Mais ouais, mais c'est bon là, on est 22 sur internet, ça va là. Ouais, bah ça pourrait être mieux. Donc ce soir, les débats ça porte sur l'internet. Donc pour ça, on va accueillir Site qui pue 20 ans de Marseille. Où... Ouais, bonsoir Gérard, ça va? Bonsoir. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Tu peux me donner ta fréquence, s'il te plaît? 92.7. 92.7. Ok. Donc, et on va accueillir Disquette Porno 23 ans de Saint-Malo. Salut Gérard. Bonsoir. Et donc, ta fréquence pour toi? 88.2 bébé. 88 quoi? 88.2. 88.2, d'accord. Ok. Donc, je vous pose la question. Donc, est-il possible de pratiquer la sodomie sur Internet? Si oui, faut-il s'introduire la souris dans l'anus et dans quel sens? Donc, on va demander un petit site qui peut, pardon, pour toi. Ouais, alors moi, je suis pas d'accord. Le plus agréable, c'est, je pense, de se prendre le clavier. Hein? Ça donne plus que la souris, quand même. Il y a un certain effet un peu plus... Ouais, mais dans quel sens? Bah, de par l'arrière, on va dire. Ouais, mais précise. Bah, qu'est-ce que tu veux que je précise? Bah ouais, mais... Tu prends un clavier dans le cul et puis c'est tout. Ok, bah c'est bon toi. Donc, disquette porno pour toi? Moi, je suis un peu plus ouvert d'esprit, donc je me prends carrément l'écran, ouais. Bah, d'accord. T'arrives à te mettre l'écran dans le derrière, toi? Ah ouais, mais avec beaucoup d'entraînement... Ah ouais, bah c'est pas une règle, toi, que t'as... C'est une porte, hein, ok? Beaucoup de bouteilles d'eau. Ok, non, ok, d'accord. Là, je crois, je vois tout de suite la thème. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais vous répondre à la question. Donc, moi, je peux vous dire que la sodomie sur Internet, c'est tout à fait possible. Parce que moi, j'ai vu un reportage avec Sandy, c'était, je sais plus quand, sur la 6 ou sur TF1, je crois. Et il disait bien qu'en fait, on peut se faire sodomiser sur Internet. Et tu peux faire plusieurs positions? Bah ouais, tu peux, je crois, tu peux faire la levrette, cunie, pipe et autres. Ouais, mais t'étais pas obligé de te mettre la souris dans le cul quand même. Bah si, justement, parce que en fait, c'est vibrant, donc, quand tu te mets dans le derrière, ça bouge quoi. Fulgar, au lieu de te marrer comme un perdu, tu ferais mieux de t'occuper du standard, parce que pour l'instant, les 24 qui sonnent, alors ou tu fais ton boulot, ou dans 2 minutes, moi je mets la clé sous la porte, d'accord? Et toi, Manu, c'est pareil avec ta gueule de con. Donc, attention à vous. Donc, Julien, pas. Putain, Manu, t'arrêtes avec ton histoire de Christine, parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais ouais, mais c'est bon, là, c'est pas moi, je suis au standard, Gérard. Tu fous pas de ma gueule, c'est toi qui fais le con, d'accord? Mais arrête, pourquoi ça serait moi? Ça peut être Rigo. Oh non, vous foutez pas de ma gueule, parce que là, vous mettez toujours ça sur le dos de Rigo, mais c'est vous qui foutez la merde. Alors, dernière fois que je vous préviens tous les deux. Ok? J'ai piqué des emails dans mon ordinateur. Ah voilà, allez hop. Oh merde, dégage. Jean. Putain, mais ça commence à bien faire les deux travaux là, hein. Moi je commence à avoir ras-le-bol toutes les semaines, c'est le bordel. Allez Jean, on reprend le débat tranquille quoi. Oh non, c'est terminé, moi j'arrête. Max. Jean, Max. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Attends, t'as qu'à demander au connard du standard, il fout rien. Mais pourquoi, ça se passe bien? Non, il fout rien. Ça fout rien, j'arrête. Parce que toi, ça te fait rire, mais pas moi. Mais c'est toi, Gérard, qui t'énerve pour un rien. Toutes les semaines, tu ne fais que te plaindre des auditeurs et la faute d'équipe. Alors si tu... Dans ces cas-là, si tu veux arrêter le débat, tu l'arrêtes. Et moi, de mon côté, je me ferai un plaisir de prévenir la comptabilité pour qu'il t'enlève la moitié de ton salaire. Ah, vous deux, vous êtes bien des bâtards. Gérard, pour calmer le débat, sur Minitel, il y a Max le Belge qui te demande en fait si c'est vrai qu'au lieu de te laver réellement tous les jours, tu prends une douche virtuelle sur Internet. Non, non, je suis désolé, moi je me lave avec de l'eau et c'est tout. Donc avant d'attaquer la conclusion, il y a un petit sondage que nous a fait Olivier, donc ça doit être des conneries comme d'hab. Donc pour la question, est-il possible de pratiquer la sodomie sur Internet? Si oui, faut-il s'introduire la souris dans l'anus et dans quel sens? Il y a 78% des gens qui prendraient bien mon cul pour une tasse à café chez Avanance, donc là, ça c'est des conneries. 55% des gens qui sont retenus au chiottes pour cause de diarrhée, bien sûr, et 32% des gens tirent la réponse à pile ou face. Donc, Olivier, c'est quoi ce sondage-là? Bah quoi, il est bien, je me suis cassé le cul toute l'après-midi pour le faire, alors. Tu vas m'emmerder, quoi, hein. Ouais, ton sondage, je vais te dire une chose, tu vois. Ton sondage, tu peux te mettre dans ton cul, avec comme ça, tu te torcheras le cul avec Marc, d'accord? Ouais, ben... Donc, on va attaquer la conclusion. Donc, on va commencer par site qui pue pour toi. Ouais, bah moi Gérard, je voudrais te dire qu'il faut continuer à faire ton site avec des pures photos de toi. Mmh. On donne l'adresse www.lèchelecutegérard.com/wpnétration. Vas-y, continue. Puis voilà, faut que tu continues Gérard, parce que tes photos sont super. Eh ben moi je t'emmerde, alors hop, dégage, bonne nuit. De toute manière, ton numéro est au commissariat maintenant, alors fais gaffe à toi, d'accord? Ok. Donc, c'est qui après qu'on avait? Disquette porno, je crois. Ouais, donc, disquette porno pour toi. Oh là, il y a... Oh! Oui? Manu! Putain! T'arrêtes avec ton son! Mais c'est pas moi! C'est toi qui fais le con derrière! Putain, mais... Bon, allez, disquette porno pour toi, puis après j'arrête, putain, le son! Disquette porno pour toi! Oui, Gérard, t'énerve pas. Non, mais ça commence. Oh, Internet, c'est vachement bien. Et retrouvez tout Gérard sur Internet, www. Attends, santé, allez, Anthony, pour ton pétage. Anthony, pétage. Hop. Salut, connard. Dans ces cas-là, la perso d'eau, hop. Je peux, ouais, y'a pas de problème. Oh, tu me l'enlèves de l'antenne ou tu te branles, là? Donc, la conclusion, c'est que ce soir, c'était de la merde, parce que grâce à Fulgar, bien entendu, et Manu qui nous font leur bordel, le débat, toutes les semaines, il part en couille. Donc, c'est même pas la peine, si ça continue comme ça, moi, j'arrête, je fais plus de débat, donc c'est même plus la peine. Ouais, Gérard, je voulais juste te demander un truc, est-ce que tu penses que... Merci pour celui qui vient de couper. Merci, c'est sympa. Donc, dans un instant, vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub et jusqu'à 6h. Et n'oubliez pas, vendredi soir, Strombass, Didier Sinclair et Eric Bobo à la Lobo. Et on va s'écouter « Pète-moi la tirelire avec ton gros email et je te montrerai mon petit mulot à deux boules. Donc, à la semaine prochaine.